Charlie Delta Commando. DJ Pelec joue le piano. Charlie Delta Commando. DJ Pelec joue le piano. Violent comme à l'ancienne, risquant purger une peine. Tous les nègres dans la haine, à toujours vouloir qu'on les craigne. Oh, je t'en prie mon Dieu, pardonnez-les si me jugent. Ces jeunes hommes sont pas comme nous, ils n'ont pas connu le luxe. Pourquoi vendre des mouches pour même pas faire 2000 euros? Sarma, t'es pas un tête. Bah bravo monsieur l'hétéro. Oh, madame la prof, un jacuzzi en enfer. Dico, on va te faire des vrais coucou à nos bâtards. À qui ils vendront des armes si nous arrêtions de faire la guerre? Négro trop deep, négro trop con, négro trop fier. Bang bang, raboule la caisse. Je t'agresse par mon cul de graisse. Oh, je dois m'engraisser. Dorénavant, je dois encaisser. Zifuko. Zifuko. Escroc comme un Madoff. Ou escroc comme un mécano. Ils vont sucer mon sang, ils vont sucer mon sang. Je vais finir Drépano. Oh, monsieur l'agent. Mais pourquoi nous brutaliser? Combien de ces vendus ont voulu qu'on les rachète? Avant le Zita, c'est qu'on marchait avec des traînes. Oh, ta soeur la pute, viens pas nous casser les couilles. Et t'en voyou, je laissais des punchlines dans ma foule. Moi, je dois pardonner tous ces petits envieux. Oh, je t'ai pas donné, toi si tu m'en veux. Le rap accidenté, depuis que j'ai cartonné, c'est bien représenté. Des vrilles au bâtonnet, si tu corromps. Charlie Delta Commando. Charlie Delta.